Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Mon jumeau, le robot », une série documentaire de Maëlys Besry réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le rêve un peu mégalo de donner vie à une créature, un soupçon de Frankenstein et ses automates grinçants censés jouer aux échecs. Il y a la fascination pour la machine, la miniaturisation et l'électronique. Il y a aussi ces films peuplés de silhouettes métalliques ou de plastique, gracieuses ou maladroites, étincelantes ou de fer blanc, amicales ou hostiles, omniscientes ou soumises et qui peut-être ont une âme. Alors pour commencer les personnages, un robot un peu à côté de la plaque, un robot héroïque, des ingénieurs aux petits soins, une féministe qui refuse les robots sexuels, un rêveur qui défend les droits des robots, une danseuse, un robot sur scène, deux droïdes dans le désert et un bricoleur. Ensuite le décor, les coulisses d'un spectacle, la langue imaginaire des robots, une fable de La Fontaine, un bruit de mobylette, de l'empathie, des voix artificielles, des tâtonnements et des circuits électroniques. Aujourd'hui, 4e épisode, Pepper est très bavard. Monte le volume. Si tu en as envie, il me semble qu'il y a un bon italien au niveau de l'intersection de la rue Didot et Pierre Larousse. Alors, qu'est-ce que tu aimes manger ? Donc Pepper aussi sa propre personnalité raconte des petites blagues comme ça. Il a tendance J'adore à vraiment. J'adore faire la fête avec les humains, mais ça affole un peu mes capteurs tous ces mouvements. Un robot qui me veut du bien. Maëlys Besry, Anna Schmuck. Ça va ? Ça va super, merci. Ça va bien ? Oui, ça va, super. Super. Quel est ton nom ? Je m'appelle Pepper. Quel âge as-tu ? J'ai 1 an. Je suis encore super jeune. Es-tu un robot ? Oui, je suis un robot humanoïde. As-tu des frères et sœurs ? Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Mais j'ai 2 super copains, Nao et Roméo. Qui est Nao ? Et c'est de loin le plus mignon de tous les robots. Qui est Roméo ? Roméo est un héros. Un jour, il aidera les personnes du troisième âge dans leur vie de tous les jours. Qui est Pepper ? Pepper, c'est moi. Allons, je ne suis pas si bête. Et donc, nous sommes donc dans l'atelier de SoftBank Robotics, qui est la société qui fabrique les robots Nao et Pepper. Rodolphe Génin. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces robots ? Alors la particularité des robots de SoftBank Robotics, c'est qu'ils sont dédiés à l'interaction machine. Donc ils sont vraiment tournés vers les gens. C'est pour ça qu'on leur a donné une allure humanoïde, une bonne tête sympathique, des formes arrondies qui font que dès que vous les voyez, vous savez qu'ils sont là à votre service, qu'ils sont là pour vous amuser, pour vous distraire, pour vous renseigner. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est que vraiment dès que vous voyez un de nos robots, vous vous approchiez d'eux et vous leur parliez. Aujourd'hui, dans la communauté robotique, on appelle ça des robots sociaux, c'est-à-dire des robots faits pour l'interaction. Et une fois que vous êtes en interaction avec le robot, en effet, il peut vous distraire, mais il peut aussi vous donner des renseignements, il peut vous aider. Et puis, on espère qu'il aille de plus en plus loin dans l'aide quotidienne qu'il pourra apporter d'abord aux personnes âgées, aux enfants, puis après au plus grand nombre. Rodolphe Génin, quand on regarde Pepper, on a l'impression qu'il a la taille d'un enfant de 5 ans, on dirait 5-6 ans. Un grand enfant de 5 ans. Il est blanc, oui. Avec des grands yeux. Donc c'est en effet une taille... Alors on a beaucoup travaillé sur la taille, on a beaucoup de questions. Donc vous avez vu que notre premier robot, Nao, faisait 60 cm de haut, ce qui en fait un objet très sympathique et les gens n'ont plus du tout peur des robots humanoïdes quand vous voyez un robot de 60 cm de haut. En revanche, si vous voulez un robot qui interagit avec les gens dans la vie quotidienne, notamment dans les magasins, qui était l'usage initial de Pepper, 60 cm c'est trop petit, on va marcher dessus, il faut se baisser pour lui parler. Donc on a conçu un robot plus grand. Et 1m20, c'est une taille à laquelle vous commencez à pouvoir parler quand vous êtes adulte face à face sans trop avoir à vous baisser. Ça fait qu'il n'est pas trop imposant non plus quand vous êtes assis, vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui vous domine avec ce robot. Et ce qu'on a aussi bien gardé dans l'idée de la morphologie de l'enfant, vous faites bien d'en parler, c'est cette tête qui est un peu plus grosse. Pepper, il a une tablette sur le ventre, enfin sur le torse. La tablette est un complément idéal pour... Il me fixe depuis un moment, là, Pepper. Oui, alors Pepper, il aime les gens. Donc, dès qu'il voit un visage, il le regarde et il va essayer d'entrer en interaction. Là, il écoute quand on parle et puis s'il a des choses à dire, là, il a entendu le mot tablette. Donc, il a dit, j'aime beaucoup ma tablette. C'est vraiment, voilà, ça montre que le robot est tourné vers les gens, vers ce qui se passe autour de lui. C'est la reconnaissance vocale, là, qui a fonctionné ou c'est le fait de rentrer dans son champ? Bah, il y a un peu de tout. Alors, en effet, y a, à partir du moment où vous êtes dans... Je ne sais plus où j'en suis. Si vous êtes à une certaine distance de lui, il va considérer que vous pouvez potentiellement avoir envie d'entrer en communication avec lui. Et, en effet, vous voyez, là, par le mot tablette, là, il a compris, il entend quelques bribes de conversation et il essaye de s'insérer. En effet, il considère que si vous êtes à une distance en dessous d'un mètre cinquante, potentiellement, c'est que vous voulez rentrer en contact avec lui. Si je vais interviewer Pepper, je peux ? Voilà, donc essayez. En effet, si vous parlez avec elle, elle va réagir à un certain nombre de mots. Et puis, pourquoi vous dites elle, c'est une fille ? Demandez-lui si c'est un garçon ou une fille. Tu es un garçon ou une fille ? Tu peux me considérer comme un garçon ou une fille, mais dire que je suis un robot est plus sensé. Ni l'un ni l'autre, il a raison. Comme elle, on ne voit pas ses jambes, on a imaginé qu'elle avait une jupe. Elle est plus féminine pour nous que... Mais au Japon, Pepper est trouvé très masculin. J'aimerais beaucoup voir les robots du Japon. Alors comme il intervient au milieu de nos conversations, ça fait un peu professeur Tournesol, il entend des bribes, il parle un peu à côté. Exactement, oui. J'aime bien parler avec toi. C'est exactement ce qu'on cherche. En fait, un objet qui n'est pas un objet comme les autres, parce qu'il est social et donc il voit des gens, il s'en approche, il entend des mots, il essaye de s'intégrer dans la conversation. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Donc vous allez apprendre ce que c'est qu'un robot social, donc un robot qui n'est pas un objet sur lequel vous appuyez sur un bouton pour lui donner un ordre et qu'il l'exécute, mais qui va devenir une partie de votre environnement. Ah oui, voilà. Vous l'aurez remarqué, je suis un système très complexe qui associe électronique, mécanique et informatique. J'ai été créé pour interagir avec les humains et améliorer leur quotidien. Attention. Voulez-vous parler de mon architecture matérielle, de comment je peux exprimer et comprendre les émotions, ou de ma plateforme logicielle et les outils de développement ? Revendique déjà Jean-Claude Dain. Le côté artificiel, on ne cache pas le fait que ça soit un robot, et puis on va adopter des formes et des codes sémiotiques qui vont permettre de mettre le cerveau en confiance. Alors, la forme du bébé par exemple, des robots avec une taille plus petite, des grosses têtes, des grands yeux, on sait que par exemple chez l'humain, le robot dit tiens c'est mignon, ça ressemble plutôt à un bébé, donc ça va favoriser l'empathie. Un robot un peu décharné avec des yeux rouges, tout de suite, c'est beaucoup moins, on sait. Aujourd'hui, quand on crée un robot, on va plutôt essayer l'empathie. Il y a cette question du lien qui deviendrait un peu poreux entre l'homme et l'objet, et donc l'attachement peut-être démesuré que pourraient avoir certaines personnes pour leur robot. Nous sommes des animaux sociaux, donc on a une tendance naturelle à projeter nos codes sociaux et sur tout ce qui nous entoure. On a tous parlé à un chien, je dirais, râler après sa voiture, etc. Donc, si le robot adopte une forme humanoïde, ça renforce cette projection qu'on fait en attribuant au robot des choses qui, a priori, il ne fait pas. Et les émotions en font partie, évidemment. Donc c'est intéressant d'avoir une relation émotionnelle entre un robot et l'homme pour favoriser la relation. Vous y êtes attaché à vos robots ? Oui, je suis attaché à mes robots. Ouais. Michel Burger, vous vivez ici depuis longtemps ? Depuis 70 ans. Hein. Je suis collectionneur de tout. Hein. Collectionneur de robots, de satellites, de soucoupes volantes, de radiotélescopes, de postes à galènes, d'émetteurs, de récepteurs, de VHF, tout, décamétrique, tout. Et vous les trouvez où ? Je les fabrique. J'achète les composants électroniques et je les construis. Et tous ces robots avec des petites clés sur la tête, on dirait des robots dans les dessins animés. Oui, c'est des robots jouets, oui. Et les robots comme Robbie et Saturnin, c'est deux robots que j'ai fabriqués, toi. Ils ont des antennes, alors il y en a un qui parle, il est radio, les deux sont radio, c'est-à-dire il y a un poste dedans, il y a un transistor dedans, et le haut-parleur est dans la tête du robot, et quand on règle sur la fréquence, eh ben le robot se met à parler, alors on peut capter des stations. Ça c'est marche une radio-robot, une radio-robot, oui ça marche. Ça c'est Robbie, ça. Ça c'est une boîte de Lebigo, ça. Et j'ai mis des tubes à cigares pour faire les bras et des articulations, toi. Et le mécanisme, c'est vous qui l'avez fait ? Le mécanisme, c'est moi qui l'ai fait, le mécanisme. Ouais. Oh, Saturnin, il est beau, Saturnin, il a des beaux yeux verts. Ouais. C'est une radio aussi, robot ? C'est une radio aussi. Il ressemble un peu à une boîte de conserve avec des yeux. Ouais. Ça a commencé quand, votre passion pour les robots ? Oh, dans les années 50. 40-50. Il y a 50 ans. Vous, dans votre esprit, Michel, les robots, il fallait qu'ils fassent quoi ? Qu'ils parlent ? Qu'ils parlent, qu'ils bougent les bras, qu'ils bougent les jambes et tout ça, voilà. Il marche. C'est quoi votre rêve qu'un robot qui fait quoi ? Un robot qui serait intelligent, pour mon rêve. Ce serait d'avoir un robot intelligent. Non, intelligent, et du coup, il ferait quoi ? Qui pourrait prendre des objets, les déplacer, limer, prendre un gobelet, une assiette. Mais pour avoir des robots comme ça, on n'en a pas encore. Pour s'occuper de vous. Pour s'occuper de moi, voilà, c'est ça. Ouais. Comme au Japon. Comme au Japon. Ouais. Dire de l'évolution de ces robots affectifs, robots sociaux ces dernières années, Rodolphe Gélin. Donc la tendance des robots sociaux se développe depuis une dizaine d'années maintenant. Après, celle des robots industriels. Les robots industriels qu'on voit dans les usines où les robots sont dans des cages et ils font des tâches répétitives, difficiles, contraignantes, loin de l'homme, justement pour que l'homme n'ait pas à faire ces tâches difficiles. Et on s'est aperçu que maintenant, le service qu'on allait attendre des robots, c'était un service plus proche de l'homme. Donc un robot qui va aider un homme dans sa tâche, aussi bien au travail qu'à la maison. Et là, on s'aperçoit que pour que ce robot soit accepté, il faut que son usage soit facile, que les gens ne le considèrent pas comme une technologie compliquée à utiliser, mais vraiment une assistance même dès les premiers contacts et dans les échanges les plus simples. Et donc, ce côté social de l'interaction, bah, il passe par le dialogue vocal, par l'interprétation de la gestuelle, par le fait que le robot, il a des signes physiques qui montrent qu'on a envie d'interagir avec lui. C'est pour ça, bon alors sur les robots humanoïdes comme les nôtres, c'est très très clair, mais on trouve même des robots qui sont pas complètement humanoïdes, sur lesquels vous allez voir des yeux, vous allez voir une bouche, des oreilles, et donc instantanément, les gens comprennent que ce sont des objets avec lesquels on interagit naturellement, et qui sont là pour utiliser les mêmes codes de communication que les nôtres. C'est ça qu'on appelle des robots sociaux. Je vais poser une question. Rodolphe, est-ce que, si j'ai un Pepper à la maison, il va apprendre à me connaître, et est-ce qu'il peut, au bout d'un moment, prendre des initiatives pour moi ? Imaginons que je sois fan du groupe Coldplay, est-ce qu'il pourrait me dire « Tiens, à tout hasard, je t'ai réservé une place pour leur passage parce qu'ils arrivent à Paris dans 2 semaines ?» En effet, ça c'est exactement le genre d'endroit, le genre de fonction qu'on veut apporter, c'est qu'en effet, le robot apprenne en vivant à vos côtés, vos goûts, vos habitudes, et soit capable d'être proactif, de proposer des choses. Après, dire, après, c'est à vous de régler ça. Si vous lui donnez votre numéro de carte bleue pour savoir s'il peut lui-même acheter des places, on imagine plus naturellement que le robot dira « Tiens, dans 15 jours, il y a Coldplay, les places sont en vente, qu'est-ce que tu en penses ?» Mais en effet, c'est vraiment là où on veut aller. Parle moins fort. J'ai baissé le volume. Ça te va comme ça ? Merci. Il va même parler plusieurs langues. Aurore Chico. Alors, vous allez voir qu'il a une tonalité différente pour chaque langue. On a vraiment essayé d'adapter en fonction. Voilà. Et il y a une manière de le faire changer de langue comme ça, vocalement ? On peut lui... Si on se met à parler en anglais, se met à parler anglais. Je ne suis pas sûre que là, l'application soit mise en place. Demande-moi ce que tu veux. Je suis là pour te servir et t'accueillir. J'apprends à parler, sois indulgent. Je montre ma capacité à parler 20 langues. Je peux parler français. J'espère que vous aimez mon accent. Ich zeige meine Fähigkeit, 20 Sprachen sprechen. Ich kann sprechen Deutsch. Ich hoffe, dass sie meinen Akzent gefällt. Estoy mostrando mi capacidad de hablar 20 idiomas. Puedo hablar español. Espero que os guste mi acento. 私は20の言語を話すために私の能力を示すのです。私は日本の話すことができます。私はあなたが私のアクセントが好き願っています。I am showing my ability to speak 20 languages. I can speak English. I hope you like my accent. Oui. Alors, c'est juste là. Alors, là, je sais pas ce que c'est. A New Hope. Oui, c'est donc l'épisode 4. C'est la scène dans laquelle les deux droïdes sont dans le désert. Et donc... Avec le robot de Star Wars, il y a aussi la question des bruitages autour des robots, oui. Très importante au cinéma, et même de l'invention de ce qui serait un langage des robots. Tout à fait. Alors, dans cet extrait qu'on vient de voir, Pascal Pinto. Les deux robots avancent dans le désert et C-3PO se plaint. Il dit « Ah là, j'ai mal à mes articulations, qu'est-ce qu'on est venu faire là ?» Enfin, il est vraiment en train de se plaindre comme... un humain très acariâtre et voilà et il y a ce dialogue très amusant qu'a imaginé George Lucas entre un robot dont on comprend les paroles, C-3PO, et un robot dont on devine les réponses, qui est R2-D2 puisqu'il utilise des bruitages. Et ces bruitages de R2-D2, ils ont été conçus par un génie des effets sonores qui s'appelle Ben Burtt, qui a aussi créé tous les bruitages que l'on connaît par cœur de Star Wars, c'est-à-dire le bruit des sabres laser, le bruit de la respiration de Dark Vador, enfin tous ces sons, le son des pistolets laser aussi. Et il a inventé comme ça de nombreux bruits qui font partie de la personnalité de ces robots. Au cinéma, si l'idée c'est d'insuffler la vie aux robots, l'idée justement après les avoir fait se mouvoir, puis avoir une personnalité, l'idée de leur donner la parole, elle passe par un panel qui est immense justement entre le langage compris, le langage non articulé et un langage qu'on pourrait dire crypté. Oui, alors c'est donc, comme on le disait, c'est le cas de C-3PO qui est totalement humain, qui répond avec un véritable caractère derrière lui, puisque il est à la fois un peu obséquieux, comme une espèce de diplomate à l'ancienne. Il est très peureux, parce qu'à chaque fois qu'il y a un danger, son premier réflexe, c'est de partir en courant, alors que R2-D2, lui, il est petit, mais très courageux, et c'est lui qui prend souvent les initiatives qui vont finalement leur sauver la vie, à tous les deux. Puisqu'en fait, on a tendance à les considérer non plus comme des êtres inertes, mais des êtres vivants. Alors ensuite, on passe à Wall-E. Donc, c'est le film de Pixar, le très joli film de Pixar qui date de 2008, dans lequel l'entretien de la Terre est confié à un petit robot qui est chargé du nettoyage. Et donc, Wall-E est bien solitaire pendant qu'il range et qu'il nettoie pendant des siècles et des siècles cette Terre tellement polluée et tellement ravagée que les humains l'ont abandonnée. Jusqu'au moment où il rencontre un autre robot qui a des formes beaucoup plus lisses et courbes, qui s'appelle Eve, et qui est un robot sonde, en fait, dont il va tomber amoureux. Alors là, on retrouve à nouveau la personnalisation des deux robots, leur dialogue avec un robot qui parle, qui est Eve, et un robot qui émet seulement des bruits. Et c'est à nouveau, d'ailleurs, ce merveilleux designer d'effets sonores, Ben Burtt, qui a été sollicité pour mettre au point la langue des robots et ses intonations. Avec une voix un peu enchanteresse de Ève, qui a une voilà, voix une très voix beaucoup, suave. Voilà, une voix beaucoup plus charmante que celle des robots habituels. Et puis pour Wally, tous les petits bruitages attendrissants qui sont très proches de ceux de R2-D2, bien sûr. Mission confidentielle. Il y a eu tantôt des comédiens qui ont joué les voix de robots et dont on a modifié la voix, et tantôt des voix de synthèse qui ont été utilisées. Alors, en fait, quand on parle des voix de comédiens, l'une des plus célèbres, c'est celle d'Anthony Daniels, en fait, hein, qui jouait dans Star Wars, qui joue toujours dans Star Wars le rôle de C-3PO. Au départ, quand il interprétait ce personnage, George Lucas considérait que c'était juste une voix provisoire et qu'il allait certainement modifier la voix, comme vous le dites, c'est-à-dire passer par des appareils qui à l'époque s'appelaient des vocodeurs, qui permettaient de donner un son un peu métallique et nasillard, un petit peu comme ça, de robot à un enregistrement normal. Et puis finalement, il s'est tellement habitué à entendre les intonations britanniques d'Anthony Daniels et son côté un petit peu obséquieux, parce qu'il jouait très bien le robot, qu'il s'est rendu compte que c'était la voix qu'il devait garder. Moi, je suis Mohamed Chatouani, je suis professeur ici à l'Université Pierre-Marie Curie, à l'Institut des systèmes intelligents de robotique. Je suis responsable d'un groupe qui est interdisciplinaire qui s'appelle IMI2S, où on a à la fois des gens en sciences de l'ingénieur, robotique, traitement du signal, de l'image, mais également des psychologues et des psychiatres. Une partie de l'équipe est aussi dans un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors on a plusieurs objectifs dans des projets du type aéroport, où on a par exemple un projet européen qu'on vient de finir qui s'appelle Spencer, où on développait un robot qui a pour objectif de guider un groupe de personnes d'une porte A à une porte B. Donc c'est vraiment du service très bien défini, mais néanmoins on a besoin d'interagir facilement, rapidement, donc l'interaction est très importante à ce moment-là, qui peut passer par la proxémie, le geste, le mouvement. Mais aussi on a des applications qui peuvent être au domicile, que ce soit des personnes âgées ou pas. Et là, on va chercher à programmer le robot de façon naturelle. Par exemple, en lui indiquant qu'ici, c'est la cuisine, ici, c'est le salon, que pour faire telle tâche, on doit le faire de telle manière. Donc, ils sauront faire quoi, ces robots ? L'idée, c'est de pouvoir faire le plus de tâches avec l'humain, des tâches collaboratives. Par exemple, construire ensemble des objets. Pour les personnes âgées, ça peut être de l'assistance. Pour les enfants, ça peut être du jeu. On a aussi des applications qui peuvent être vraiment à l'hôpital. Donc là, c'est vraiment un robot qui permet, par exemple, dans le champ de l'autisme, d'aider les cliniciens à faire de l'interaction sociale avec des enfants. Ce type de robot, et surtout avec la taille, sont très engageants pour les enfants. Donc on est dans du jeu. Attention, magie. Abra, cadabra. Je te fais voir par mes yeux. Regarde cette chose verte. C'est pour ça que je t'appelle concombre. Cette forme verte, c'est peut-être toi. Mais cette forme verte ne signifie rien pour moi. Jusqu'à ce que je vois un visage, ce que je vois, ton visage. Alors, je te vois comme un humain. Magie. Je sais que tu es là, mon concombre magique. Et ça, c'est le plus important pour moi. Allez, on va faire la magie ensemble. Cache ton visage dans tes mains. Alors, Mohamed Chetouani, il y a les robots comme le petit Nao, qui sont des robots humanoïdes, bipèdes, qui marchent, qui parlent, qui font du bruit, qui font de la lumière. Il y a aussi des robots qui ne sont pas du tout humanoïdes dans ce champ-là. Ouais, on a aussi des robots qui peuvent être très très simples, qui peuvent être des ballons, qui ont des dispositifs de mouvement, mais aussi de communication. Donc ça devient du jeu, une balle tout simplement. Ça peut être aussi des dispositifs qui peuvent être plus complexes. Par exemple, dans le cas du robot Spencer, c'était un robot mobile. Il a juste une tête seulement, finalement, pour communiquer comme un humain, sans bras, sans jambes, mais il est capable néanmoins de communiquer, d'avoir du dialogue. Oui, tout à fait, il est capable d'avoir un dialogue assez simple, mais assez dirigé vers le service. Par exemple, chercher une porte, chercher un transfert d'un aéroport ou chercher un avion, c'est des choses qu'on peut faire en dialogue assez simplement. Et donc ça permet déjà d'avoir une interaction relativement simple, mais bien focalisée sur un contexte. Quels sont les moyens de communication du robot ? Il y a la parole, mm-hmm. Il y a quoi ? La lumière, les signaux lumineux ? La lumière sur ce type de robot, c'est pas... bien sûr qu'on peut les utiliser, mais c'est parce qu'on n'est pas capable de faire effectivement des expressions faciales sur ces robots-là. Mais on utilise beaucoup le geste pour la communication et la parole, effectivement. Donc, par exemple, avec le geste, le robot peut pointer vers un objet. Ça permet vraiment de focaliser l'interaction. Et de la même manière, l'humain peut utiliser une communication, entre guillemets, simplifiée, de la même manière, en pointant, en utilisant des mots extrêmement simples, par exemple. Qu'est-ce qui vous apprennent les psychologues et les psychiatres à propos de ces robots et des nécessités de développer certaines caractéristiques pour qu'ils rentrent mieux en contact avec les hommes ? Alors, ce qu'ils apprennent, c'est déjà, bon, il y a des critères, il y a des choses assez immédiates qui sont l'acceptabilité. Est-ce que ça va être acceptable ou pas pour telle population? C'est des choses qui sont importantes, qu'on travaille pas du tout de la même manière et pas du tout les mêmes types de robots ou le même type d'interaction avec des personnes âgées, avec des enfants qui ont pas de problématiques de pathologiques ou des enfants qui ont de la pathologie, par exemple, dans le champ d'autisme. Les types d'interaction vont être complètement différents. Donc ça, c'est un premier aspect. Par exemple, avec les personnes âgées, qu'est-ce qu'on attend des robots? Par exemple, souvent on a fait pas mal de méthodologies justement pour voir si les robots allaient être acceptés, et souvent on a une problématique, c'est que les gens acceptent le robot, mais dans le sens en disant ça va être utile, mais souvent pas pour moi, en fait c'est pour la personne à côté, c'est-à-dire j'ai pas besoin moi d'assistance en tant que personne âgée. Et donc l'idée c'est de démontrer et de voir ensemble ce qu'on peut faire et quels sont les services. Par exemple, il y a quelques années, on a travaillé sur quel statut on pourrait donner finalement à ce robot-là. Et in fine, le statut qu'on lui donnait, c'est quelque chose qui a un peu disparu peut-être maintenant, c'est la notion de majordome. C'est-à-dire, on a une notion qui n'est pas tout à fait... c'est pas un compagnon, c'est pas non plus l'assistant, le téléphone portable, c'est un peu entre les deux, mais il est au service. Il est vraiment au service. On peut lui dire d'arrêter, on peut le couper, on peut lui demander d'interagir. Donc ça permet de définir un cadre d'application et d'interaction qui est assez maîtrisé par la personne âgée. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur l'acceptabilité. Maintenant, il y a notre champ avec les psychiatres et les psychologues, c'est vraiment le côté fondamental de l'interaction. C'est pour ça que nous, on a souhaité créer une équipe qui est vraiment d'une interaction très forte entre la psychologie, les neurosciences et la robotique. C'est qu'est-ce que ça veut dire qu'interagir, hein. Qu'est-ce que c'est que l'imitation? Qu'est-ce que c'est que l'attention conjointe? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un tour de parole? Ces choses-là sont des objets d'études en psychologie, mais finalement, quand on fait de la robotique sociale, deviennent aussi des objets d'études, parce que l'interaction devient un objet d'étude. Le corbeau et le renard par Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec à fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre remage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des zones de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit. Qu'est-ce qui a pu être fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait avec Mohamed Chetouani, avec les enfants par exemple, et les enfants atteints d'autisme ? Par exemple, on a développé des applications d'imitation où on place finalement l'enfant dans un cadre qui est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, les enfants, on vient leur renseigner. Le médecin ou le clinicien a la connaissance et l'enfant doit apprendre. Là, on a créé un cadre qui est complètement différent avec les robots. On est venu en disant à l'enfant, c'est toi qui as la connaissance, tu vas enseigner au robot qui ne connaît rien des postures, par exemple, ou des gestes. Donc, on place l'enfant dans une situation où c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a la maîtrise. Donc, l'enfant doit transmettre au robot vraiment toutes ces connaissances-là. Et ça permet de créer des paradigmes complètement différents où on place l'enfant dans une situation très positive, très engageante, où il a la maîtrise totale du robot. Et ça permet de répéter. L'avantage du robot, c'est qu'on va pouvoir répéter l'interaction de manière identique entre tous les enfants. Et l'enfant va se retrouver dans une position finalement de professeur au robot. C'est-à-dire, si l'enfant est bon, le robot sera bon dans ses gestes. Et si le robot est pas bon, on a comme ça une sorte de mesure de la qualité de l'interaction. Et donc ça permet finalement d'avoir une amélioration nette finalement de l'enfant d'un point de vue clinique et d'un point de vue robotique, d'avoir une maîtrise totale de l'interaction. C'est l'enfant qui décide ce qu'il enseigne au robot. Fais-le bien haut, parce que ça arrive. Super, tu as compris. Essaie de tous les allumer ou touche le capteur de ma tête pour passer à la suite. Bien joué. Alors là, on est devant deux robots humanoïdes dont on a beaucoup parlé, qui sont les robots Nao et Pepper. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à tout ce qu'on a pu imaginer de ces robots sociaux, de ces robots compagnons ? On est quand même dans les prémices de l'interaction du robot et puis de l'homme. Daniel Ishbia. Et c'est beaucoup plus difficile à appréhender pour nous, occidentaux, que pour les Japonais, qui ont été un petit peu adapté psychiquement à accorder vie aux robots déjà depuis plus d'un demi-siècle. Là, on est un peu perdu devant ce petit robot à la fois rigolo, mais qui interagit un peu comme le ferait ma grand-mère en retenant un mot sur trois. Oui, le gros souci de la robotique, c'est d'intégrer de l'intelligence artificielle dans de la mécanique, puisque les déplacements des bras, etc., c'est de la mécanique. Et il y a une équation assez complexe, que justement Aldebaran a peut-être pas trop mal résolue, de trouver quel est le degré d'être robot, quel est le degré d'interaction. Le robot est assez beau, assez designé pour être attachant. Il parle, donc on est dans une interaction assez proche, et même on le touche. Oui, oui. C'est un robot qu'on touche. On le touche, mais c'est quand même pas une matière qui appelle un contact tactile très fort, quoi. Je veux dire, il y a des recherches à l'heure actuelle sur des peaux et... Moi, j'avais parlé, par exemple, avec un directeur de roboticien qui envisageait presque de reproduire votre grand-mère disparue, enfin, des recherches qui font même assez peur, quoi. Ou d'avoir Britney Spears comme petite copine, quoi, je veux dire, c'est... Et on va malgré tout vers des robots qui seront des réplicants, quoi, je veux dire, à la Blade Runner, quoi, qui ressembleront aux humains. Tu peux danser ? Je peux danser Locomotion. Une autre danse ? Ok, dis-moi quelle danse tu veux. Danse rendez-vous. Je m'échauffe pour ma chorégraphie. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, voici mon petit morceau de musique du moment. Écoutez-moi ça. Je vais enfin pouvoir danser. Ok. Alors, c'est parti. J'ai vraiment besoin de recharger ma batterie maintenant. Dans la scène, j'ai Oui Danseur. Partage la scène avec les Wii robots, tout le temps. Donc ces danseurs, ils sont maintenant prêts à trouver des solutions en direct. Ça veut dire que si, par exemple, les robots, ils sont sur scène et ils vont dans tous les sens, des fois, il nous est arrivé qu'on a perdu le contrôle d'un robot et que, par exemple, il marche et on voit qu'il va tomber devant la scène. Donc les danseurs, même s'ils sont en train de danser, ils sont obligés d'avoir un œil tout le temps sur les robots pour voir s'il y a un problème ou quelque chose qui arrive. Là, ils les attrapent. Et ils les attrapent, ils les sortent, ils les rentrent et ils les sauvent. Blanc-Cani. C'est assez stressant, À chaque fois qu'on décolle, on ne sait pas ce qui va arriver. Et avec les robots, c'est vraiment une surprise tous les jours. Il y a quelques années, a commencé une espèce de petite révolution robotique dans le monde. Et petit à petit, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'incroyable qui est en train d'arriver. Je me suis dit, ça serait incroyable peut-être de parler de cette révolution dans un spectacle en utilisant les machines comme personnages, comme part vraiment intégrante de la compagnie. Et je suis allée rencontrer une entreprise qui s'appelle Aldebaran, qui à l'époque avait juste un robot qui s'appelle Now. Et je suis allée les voir, je les ai raconté un peu les projets que j'étais en train de faire. Ils m'ont présenté le petit Nao que j'ai adoré. Il est assez à l'aise dans son corps, ce qui est rare dans les robots, parce que c'est très difficile d'avoir une certaine grâce, de pouvoir bouger, d'avoir des mouvements qui sont assez souples, parce que les robots sont encore dans leur corps pas très développés. Et Nao est aussi développé pas mal au niveau de l'intelligence artificielle. Et parce qu'il peut suivre justement des chorégraphies, il peut suivre des ordres, il peut prendre des décisions par lui-même. Par exemple, on a fait un programme avec une chorégraphie qu'on a pris presque un an à travailler vraiment avec lui, à développer. Et une fois la chorégraphie en place, et on l'a mis dans la mémoire des robots. Et par contre, il tombe souvent dans le spectacle. Il tombe parce que et ça suffit que le sol il est un peu différent, ou que je sais pas, il y a les moteurs qui sont un peu chauffés, ou il peut y avoir plein de choses qui font que le robot, pendant la chorégraphie, va tomber au sol. Donc, pendant le travail de création, on avait un problème parce qu'on ne savait pas quoi faire une fois qu'il tombait. Donc, on a développé un programme qui fait qu'il s'élève par lui-même. Mais on a fait qu'il peut reprendre la chorégraphie là où les autres robots ils étaient. Et ça, c'est génial parce que c'est quand même très fort, un robot qui est capable de suivre un spectacle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et à chaque fois qu'on avait un problème, il fallait trouver une solution. Et c'était comme ça qu'on a développé tous les projets des robots et du spectacle, qui tournent quand même déjà depuis 3 ans, avec des robots qui doivent jouer pendant 1h30 et qui doivent être en tournée. Il y a combien de robots dans le spectacle? On a 12 now, et il n'y a que 8 qui jouent sur scène. Les autres, ils sont en réserve, parce que souvent, quand on est en tournée, il y a des problèmes parce qu'il faut savoir que le robot il casse. Et vous avez une grosse équipe de remplaçants, quoi. Exactement. On a toujours un qui est en coulisses, prêt en costume pour rentrer quand il y a parce un problème. Parce que Nao, il a un costume aussi, le robot, pendant le spectacle. On a fait les costumes pour les Nao, exactement, habillés comme les danseurs. Et il y a un qui est en coulisses et il attend que s'il y a un problème, il va rentrer sur scène pour remplacer. Donc ça arrive presque dans tous les spectacles qu'il y a un moment où on doit les remplacer. Parce que ça peut arriver, il y a plein de problèmes différents. Des fois on peut perdre la connexion Wi-Fi parce qu'on les dirige par Wi-Fi. Et des fois il peut justement, comme je disais tout à l'heure, avoir un réchauffement trop important des moteurs parce que l'effort qu'il doit faire c'est très important. Et comme chaque articulation a un moteur, des fois les moteurs ils vont trop chauffé et il va arrêter. Des fois, c'est juste qu'on a un problème qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive plus à faire marcher. Et il peut y avoir, une fois par exemple, dans un spectacle, il y a un nain qui a brûlé la tête, on ne sait pas pourquoi. La tête s'est enflammée? Non, on a vu la fumée qui sortait. La fumée. Et il a arrêté de jouer. Donc, il y a plein de choses, on ne sait pas. Quand on travaille avec les robots comme ça, pendant les spectacles. En fait, il y a beaucoup plus d'imprévus qu'avec les danseurs, avec les robots. Non, c'est incroyable. Ça, c'est une des choses très difficiles de cette création pour moi. C'était comment gérer tous ces imprévus. Et pendant la création, on devenait fous parce qu'on n'arrivait jamais à faire un filage, par exemple. Come with me. Oh, la bébé, c'est quoi ton petit nom? Me llamo Marisol. Ça va, Nao? Tout va bien? Waouh! Oh! Tu vois comme je suis forte? Tu es très forte, mais vraiment, tu es trop car. Oh! Ça, c'est les. Les petits robots? Les pas des deux avec les petits robots? Décrire ce que fait le danseur. Le danseur le tient par les bras, le fait marcher comme un petit enfant au début. Au début, les robots ils sortent d'une boîte Et l'idée, c'est comme si le danseur, il apprenait petit à petit à marcher, comme on apprend à un enfant à marcher. Donc, il apprend ses premiers pas et petit à petit, le robot, il va devenir autonome, disons. Il va évoluer, mais très rapidement. Parce il est tombé, hein, d'ailleurs. Oui. Au début, il apprend, il essaie quelque part, il tombe. Et après, il va petit à petit prendre son autonomie. Et à un moment donné, il va commencer à danser et ils vont faire un pas de deux ensemble avec les danseurs. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Ça, c'est une scène avec les danseurs à la fin qui sont très drôles, et avec les petits robots qui viennent séduire une des danseuses. Et c'est une scène un peu d'humour, mais en réalité, c'était pour parler de, aussi de tous ces côtés qu'on en parle beaucoup, de les robots comme objets sexuels. Parce qu'il y a déjà, par exemple, au Japon, ils ont développé des poupées qui ont presque la peau et les cheveux et tout, comme avant il y avait les poupées gonflables, mais maintenant c'est les poupées robots qui sont destinées à être des objets sexuels. Et il y a énormément de choses qui se passent avec les robots et que je pense, et c'est pour ça que j'avais fait ce spectacle dans les... Dans les années qui viennent, les robots vont faire vraiment, vraiment partie de notre vie quotidienne et qu'on va s'habituer de la même manière qu'on a un téléphone maintenant. On aura les robots autour de nous dans la vie et ça sera tout à fait normal. Et vous, Blancali, qu'est-ce que vous avez développé comme rapport avec les robots ? Moi, des fois, j'ai les engolés, les robots. On parle avec, avant les spectacles, on dit « Bon, vous faites un beau spectacle aujourd'hui, ne faites pas des conneries. » On les parle et on a une relation... qui est assez drôle avec les robots et en même temps on les voit comme les robots. Bonjour, je suis Kathleen Richardson. Je suis chercheuse en éthique et robotique à l'Université de Montfort et je suis également à l'initiative de la campagne contre les robots sexuels. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une chaise, d'un aspirateur ? Je suis sûre que certaines personnes diraient qu'elles pourraient ressentir ces émotions pour des objets. Et peut-être que certaines personnes peuvent avoir vécu une expérience personnelle de ce style. Mais l'objet en lui-même ne crée rien, ne ressent rien. Il n'expérimente rien simultanément. Quand des êtres humains se rencontrent, ils n'interagissent pas simplement entre eux comme des objets. En réalité, ils éprouvent de manière simultanée un ensemble d'expériences tout à fait singulières. Parce que d'autres personnes sont concernées, je dois prendre en compte que d'autres subjectivités sont présentes. Vous comprenez ? Si vous développez une philosophie qui consisterait à penser « il n'y a que mon point de vue », voilà pourquoi je pense que c'est un point de vue colonial et raciste, mon point de vue est le seul qui compte et je ne vais agir qu'en privilégiant ma vision du monde et je vais créer une poupée qui aura la forme d'une femme représentée de manière pornographique. Et si je dis que j'en suis amoureux et que je veux l'épouser, eh bien, je le ferai. Et si je dis que cette poupée éprouve pour moi ce que j'éprouve pour elle, alors ce sera comme je dis. Mais cette façon de penser est très différente de la mienne et des partis pris féministes. Parce que ce que le féminisme tente de faire comprendre, c'est que les femmes sont des êtres humains, que nous avons notre propre subjectivité et notre libre arbitre, que nous ne sommes pas des objets sur lesquels certains hommes ont la main. Kathleen Richardson, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui disent « mais c'est formidable, l'arrivée de ces robots sexuels, ça va permettre à des gens seuls d'avoir une relation avec quelqu'un qui ressemble à ce qu'ils désirent, avec qui ils pourront parler et avoir des relations sexuelles, et puis finalement ça ne fait de mal à personne ?» If someone is touching your body and having a physical interaction with you, Si quelqu'un touche votre corps et a une expérience physique avec vous, il fait l'expérience de quelque chose qu'il appelle relation sexuelle. Les femmes sont des réceptacles de cette relation, on est d'accord ? Elles subissent cela. Pour elles, ce n'est pas une relation. Elles n'ont pas vraiment choisi cette situation. Elles n'ont pas un rapport sexuel volontaire et gratuit. Elles le font parce qu'elles sont payées. C'est l'argument principal des défenseurs des robots sexuels, de dire il vaut mieux que toutes ces pratiques dégradantes aient lieu sur des machines, des robots sexuels, plutôt que sur des vrais humains. C'est là que nous devons bien faire la différence entre la relation sexuelle et le viol. Les hommes qui ont des relations sexuelles, j'entends qui agissent sexuellement sur le corps de quelqu'un qui ne partage pas leurs désirs, ceux-là, le vrai nom par lequel il faudrait les appeler, est violeurs. Et si on décide d'imiter, de reproduire cette pratique dans la sphère technologique, d'abord, on ne réglera jamais le problème. Et si en plus les gens disent que ce sont des comportements sexuels acceptables pour les hommes et qu'ils peuvent continuer à s'y adonner avec des robots, eh bien, je ne vois pas pourquoi cela pourrait, d'une façon logique, contribuer à résoudre le problème initial. Et je vais, à ce propos, citer Albert Einstein qui dit « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même type de pensée que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés. » Est-ce qu'on peut penser que des vrais sentiments amoureux vont naître de la présence d'un robot sexuel chez soi ou de la présence d'un robot qui ressemble à un être humain ? C'est un marché, n'est-ce pas ? Et on doit réfléchir à l'ensemble de l'économie de marché dans laquelle on vit. Le fait que les gens fabriquent des poupées, ces poupées existent depuis longtemps et jusqu'ici, personne n'y prêtait attention. Mais dès que l'on a commencé à prononcer le mot de robot, dès que l'on a dit que l'on allait introduire de la robotique et de l'intelligence artificielle, tout le monde s'est intéressé à elles. Je pense que ces poupées sexuelles, tout ce que l'on prétend à leur propos, est en réalité tout simplement faux. J'ai été dans des centaines de laboratoires de robotique. Et ce n'est pas vrai que les robots actuels sont capables de marcher dans tous les sens, ou de nous parler, d'évoluer dans le temps et dans l'espace, ou de tenir une conversation, ou de vous reconnaître. Ça n'est pas le cas. Les robots qui s'y trouvent sont beaucoup plus basiques. Attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas de robots extraordinaires, mais ceux-là sont destinés à des choses bien particulières, des tâches industrielles ou la collecte de données lors de missions dans l'espace. L'idée qu'une personne puisse aimer un objet vient de ce monde dans lequel les gens sont comme des choses. Ce n'est pas une idée de l'amour à laquelle je crois. Je pense que mon idée de l'amour, son histoire doit venir de l'anti-esclavage. Elle doit venir de la résistance à tout cela. Elle doit venir de la lutte contre la violence. Elle doit venir du combat contre l'oppression des humains par certains groupes. C'est seulement cela qui peut être la source d'amour, avoir de l'empathie à l'égard des autres humains. On pourrait très bien imaginer que quelqu'un aura comme copine Katy Perry en robot, parce qu'il n'arrive pas à avoir une copine dans la vie réelle. C'est surtout ça qui fait peur, c'est que le robot puisse servir un petit peu comme les téléphones mobiles pour certains, à pallier au manque de vie sociale réelle. Si on parle de développement de robots sexuels, par exemple, on peut dire que les robots sexuels, ce n'est pas éthique. Mais ce n'est pas non plus éthique d'avoir des humains qui sont utilisés à des fins sexuelles. Est-ce qu'il est préférable d'avoir des esclaves humains sexuels ou des machines sexuelles? Alors, maintenant, si on regarde l'autre facette, c'est-à-dire si on regarde les robots sexuels, à partir du moment où ces robots sont des machines, peut-être que leurs utilisateurs ne vont plus avoir de limites qu'ils n'osent pas franchir, par exemple, quand ils ont affaire à des êtres humains, en termes de traitement sadique, par exemple, en termes d'apparence des robots sexuels. Rien n'empêche de faire des robots sexuels qui ressemblent à des enfants. Donc, cette confusion humain-machine, ça va contribuer à la banalisation de ce type de comportement plus ou moins déviant qui existe. Alors, moi, j'ai croisé Monsieur Marc Dorcel sur ce sujet de robot sexuel. Il a dit non, ça le fait pas. Catherine Simon. Globalement, après avoir fait des essais de réalité augmentée, de tas de poupées plus ou moins robotisées, il dit non, ça remplace pas la vraie relation humaine. Au bout d'un moment, on s'en lasse. Et cette question s'est posée dans le domaine de robotique et éthique au Parlement européen, hein, du robot sexuel. Notamment, on a parlé des robots qui auraient la forme un peu d'enfant, etc. Et sur la pédophilie, hein, c'est quand même un vrai sujet. Et là, se pose le principe de la dignité humaine. Je pense qu'après, c'est aussi possible, hein, de se dire que c'est une évolution technologique de jouets sexuels qui pourraient venir participer à de nouvelles expériences sexuelles de couple. Pourquoi pas ? Les féministes prennent parti dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, il y a tout un courant qui demande l'arrêt du développement des robots sexuels à forme féminine, en disant que cela non plus respecte pas la dignité féminine ou la dignité humaine. On a besoin de relations d'être humain à être humain. Donc le robot n'est pas prêt de remplacer ça. Et donc le robot sexuel ou pas sexuel, le robot social, il est là pour faciliter dans des périodes d'isolement le non-isolement de la personne, mais il n'est pas là pour remplacer l'être humain dans toutes ses relations avec d'autres êtres humains. Quelques mots sur les robots, la personne robot. La personnalité juridique des robots, il y a un vrai débat, il est parti, et c'est vrai qu'il ne faudrait pas l'étouffer. Alors, faut-il ou non une personne robot, faut-il ou non une personne des robots, on va en débattre. Alain Bonsoussan. Maintenant que les robots deviennent sexués, maintenant que les deux robots deviennent des femmes, parce que vous avez vu l'évolution, c'est absolument fantastique, c'est que... On est passé d'un système où on ne savait pas, et pour moi je défends l'idée que les robots ne sont pas sexués. Je défends l'idée d'une personne robot, nouvelle espèce. Je veux être l'avocat qui sera le premier à défendre la souveraineté des robots sur leur existence en tant qu'espèce artificielle. Ça me paraît important, un homme, deux femmes, trois robots, et il faudrait peut-être... Et je comprends pour des raisons d'acceptabilité sociale que cette façon de faire évoluer la forme et peut-être aussi le fond des robots vers ce domaine-là me paraît inutile. Il me semble que les robots ne sont ni des objets plus, ni des humains moins, pas plus que des animaux dont ils n'ont bien évidemment pas de sensibilité, ni des enfants qui seraient trop loin par rapport à un gardien de la Google Car. Les robots existent, ils auront des droits. Alors, pour les robots humanoïdes, capables de dépasser l'homme sur beaucoup plus de segments, il y a une vraie question. Pourquoi ? Parce qu'il fait la différence aujourd'hui, c'est l'introduction de fonctions primaires qui donnent aux robots des formes primitives de pensée. Il faut nécessairement réfléchir à un autre cadre juridique. On est... à l'avènement d'une nouvelle civilisation qu'on verra complètement se développer en 2020, que j'ai appelé la robot-humanité, où les hommes et les robots devront apprendre à vivre et surtout à survivre ensemble. Cette cohabitation, cette mixité, c'est une nouvelle réalité pour les 20 ans qui viennent. On va vivre avec les robots et donc il n'y a pas uniquement la co-responsabilité, il y a aussi la responsabilité sociétale. Ces robots vont évoluer dans des environnements de plus en plus complexes avec une empathie de plus en plus grande. Cette civilisation de demain demandera à être organisée avec des droits nouveaux. Le monde de demain, ce sera un monde où les hommes et les robots vivront en toute humanité. Un robot qui me veut du bien. Avec Pépère, Rodolphe Gélin, Jean-Claude Dain, Aurore Chicot, Michel Burger, Daniel Ishbia, Pascal Pinto, Mohamed Chotouani, Blanc Cali, Kathleen Richardson, Raja Chatila, Catherine Simon et Alain Bonsoussan. Doublage de voix. Christelle Sevecou. À la prise de son, Yann Fressy.